mot interrogatif où? Reading the example sentences. Number one. Où est-ce que tu travailles? Number two. Où travailles-tu? Où travaille Marie?